disamba. Thank you. amis. La vie est dure. Laissez chacun mourir selon sa destinée. Car sur cette terre, nul n'est éternel.

Odinga.